mentalement comme un nuage de weed, de la peinture sur les mains de ceux qui vous écrivent les mots des assassins qui tuaient les plus forts, des mots d'amour tagués aux portes des prisons, le mot libre tatoué au corps des prisonniers par format contre un mensonge d'État, et puis désobéir au marchandage humain. Notre argent est le feu où mettre les banquiers et le courage de vendre notre innocence à la mémoire des résistances pour scotra sur toutes nos différences. On attend sur cette île toutes vos âmes enfin libres, pas de profil type, l'anarchie par principe ne repart pas les mains vides. L'anarchie, c'est s'extraire du mal qui face aux esclaves d'une construction mentale délirante. On meurt 3 fois par jour dans certaines banlieues. On voit la mort danser au fond de certains yeux. Cette peur bleue du sol. Certains la portent comme un uniforme tricolore. Tuer, tout ça pour une patrie qui t'offre sa camisole, en portant avec eux ceux qui ne demandaient rien, qu'un peu d'eau et de pain, un asile pour demain de leur terre arrachée, au profit de ces hommes au péché. Nous vivons dans un monde qui est mort pour tous ceux qui voient les choses en face, avec la chance peut-être de laisser une trace, dans toujours les mêmes rêves, toujours les mêmes qui crèvent, toujours les mêmes qui passent la relève. Mais cette fois, le flambeau est en vie, l'anarchie majeure levée, c'est comme abandonner, déserteur des dimensions réelles, mon anarchie est le virus qui infectera tous vos domaines. Alors, avant d'accompagner l'orchestre debout sur leur symphonie musicale, il y a les que j'aimerais appeler. Et pour commencer, je voudrais vous présenter une femme de grand talent. Je ne sais même pas comment l'appeler, mais elle va se présenter elle-même. Je vous demande d'accueillir Nora Abadi, s'il vous plaît. Bonjour, 1, 2. Je vais en profiter pour vous partager un de mes textes que j'ai écrit. Voilà. Ils ne m'inspirent plus confiance avec leurs images télévisées. Font de vos enfants des êtres téléguidés. Il existe encore une partie des humains qui ont la foi. La beauté de la vie, c'est dans leurs yeux que tu... Ils parleront de nous comme ils ont parlé de Jésus, réinventant l'histoire qu'elle serve au profit. C'est la fin du parcours, on est arrivé au bout. L'homme se prend pour Dieu, il pense qu'il en a fait le tour. On se dénature et on qui accourt. On ferme l'horizon des bâtiments dans les alentours. Moi je le sais, décide de choisir mon chemin. Je ne participerai pas au suicide de l'humain. Lève la main si toi aussi tu as bien senti le décalage entre le réel et puis leur sottise. Pas sorti de l'auberge, certains ne voient même plus les balises. Pour moi, pas de revolver, mon arme armée de vocalises. Canalise, il y a des flux de force invisibles. Pouvoir n'est pas monétaire, pas non plus dans l'analyse. Active le potentiel de ton cœur, active le potentiel. J'arrive, je viens du ciel et là-haut. Oh oh, j'accuse la race humaine d'inventer toutes sortes de problèmes. On se ment à soi-même comme on respire l'oxygène. C'est pas la crise sociale, c'est la destruction par l'image de la beauté du vivant et de son message. Je sais que le seul moyen de tirer sur la planète Terre est de sauver les enfants des griffes de l'enfer. Oh, des griffes de l'enfer. Dansez avec le diable, assurez-vous des conséquences de vos actes. Moi je danse ange, je les rejoins dans mes songes. Chacun alimente un jour le mal, il a pris de jolies formes. Ils se font dans la masse, Dénude les âmes et des formes. Dame nature, je t'adore. Remplis mon cœur de ton trésor. Dame nature, je t'implore. Remplis-moi de tes couleurs. Face à la guerre des hommes. Il faut canaliser face à la guerre des hommes. Canalise, il y a des flux de force invisibles. Le pouvoir n'est pas monétaire, pas non plus dans l'analyse. Active le potentiel, j'arrive, je viens du ciel et là-haut ça fuse. Big up à tous les êtres humains. Vive les êtres humains, tous frères. Merci beaucoup de votre écoute. Oui, j'ai juste un petit message à passer. Je viens de recevoir un message, alors je vous le lis. Hein. Hello, message urgent à faire tourner. Curtis, un jeune de 17 ans de Massy, a tenté de fuir la bague. Il en est mort. La version officielle, c'est qu'un bus l'a percuté dans sa fuite. La version des proches et témoins, c'est que les flics l'ont percuté, ou du moins volontairement projeté vers le bus. Pour Curtis, en soutien à la famille et aux proches, un appel est lancé à se retrouver ce soir à la place de France à Massy. Donc c'est vers Massy-Palaiso, c'est RERB, gare des Baconnais. Merci. Bien. Bon, il va falloir annoncer une bonne nouvelle. On sait s'il va bien. Il va bien, il n'est pas mort, non? Il est mort? Bref, bon, le message est passé. On va appeler un grand talent pour continuer cette scène d'invité du slam que moi j'apparente beaucoup à la rumeur dans ses textes, mais pourtant elle ressemble à Laura Ingalls, c'est incroyable. Coralie, s'il vous plaît. Dis, tu sens ce que je sens? Tu vois ce que je vois? Est-ce que t'entends le glissement de leurs pas? Tends l'oreille, on vole notre voix. Yacht et des chuchotements dans les squares. Il y a des slogans qui nous déportent et des coups dans nos mâchoires. Il y a ces relents de haine dans nos JT. Il y a cette odeur de poudre qui se propage dans nos quartiers. Il y a ces drapeaux tachés du sang de nos frères. Il y a ces fachos les bras tendus comme... Et pendant qu'on se déchire sur l'échéance électorale, d'autres se prennent dans le crâne quelques grenades. Debout, on est debout, mais combien d'entre nous tiendront la ligne? Combien serons-nous pour nous opposer à leur fascisme? À bout, le peuple est tabou et se tétanise devant cette... On cherche à nous diviser sur des consignes de vote incantatoires. Mais on n'a pas de leçons à recevoir de cette caste politique. On évalue avec justesse sa violente absence d'éthique. Il ne nous reste plus que les tessons de leurs bouteilles de champagne pour lacérer leur fascisme en taille. On opposera toujours à leur loi liberticide notre fraternité, inaltérable, même dans l'acide. Et tant qu'on fracassera les cages thoraciques de nos frères, on s'élèvera d'une seule voix, dans un mouvement unitaire. Le combat est là. Notre voix ne se flope. Elle résonnera encore et toujours à travers leurs portes. Être là, derrière chacun de leurs pas, poser nos mots au-dessus des leurs, recouvrir chacune de leurs affiches, mettre en lumière les leurs. Monter une armée de soldats prêtes à surgir brusquement devant eux, interdire l'accès à nos écoles, à nos usines, à nos lieux. Souffler sur nos braises pour réchauffer nos cœurs endoloris et étouffer le foyer de leur haine en y déversant notre pluie. Une pluie d'humanité qui se nourrit d'altérité. Il est temps de se faire confiance. Construisons une autre réalité. Et sans plus attendre, l'acolyte qui est toujours avec Coralie, non moins, Rundoul, s'il vous plaît. Bonjour. Ouais. Je sais pas. Baillonnez-les tous ceux qui nous riaient au nez. Tant qu'ils baillaient aux corneilles, je m'entraînais à mettre des ballons dans le corner. Je déconne pas, je dégomme la racaille en col blanc et leur plan macabre. Passe entre les mailles du filet fly comme un pirate de l'air. Brisons les maillons de la chaîne, les égaux des puristes, pas égaux devant l'égoïsme. Je vis sous le prisme de nos principes. La principauté voudrait nous chaperonner, mais je m'appelle pas le petit chaperon rouge. Les opprimés ne perdent pas leur temps à frimer. Une bombe tombe, une âme plombée. Même si je risque de perdre mon temps comme si je m'exprimais en braille, les erreurs nous rappellent. Moi, je leur dis bye bye. Est-ce que Laurent est là? Laurent, t'as ta guitare avec toi? J'ai un ami qui m'a demandé si tu pouvais lui prêter après la guitare. D'accord, je vais voir avec lui. Amadou, c'est lui qui a la guitare, tu verras avec lui. Voilà. Laurent! Comme ça, tu vois, oui, je vois. Après, il va chanter. Oui, après lui, il va chanter. Tu peux pas passer dans la liste quand je t'ai noté. Tu veux t'asseoir ? Non, elle a dit. Tu joues plus. Ouais. Joue, si tu finis comme ça, il joue. Quand il a fini, bonsoir. C'est quand il n'y a rien à... C'est quand rien n'est à sa place. L'ordre, c'est quand il n'y a plus rien à la place des choses. Brecht. C'est un song à la mémoire... C'est un song, pardon, à la mémoire d'un martyr de Pin... Bon, on va faire avec les moyens techniques. C'est un song à la mémoire d'un martyr de Pinochet... Je te remercie beaucoup. C'est formidable, merci beaucoup. C'est un song à la mémoire d'un martyr de Pinochet. On salue la mémoire du martyr, pas celle de Pinochet, bien évidemment. Ça s'appelle Légende de Victoriara. Je chante aux gens de maintenant. Je chante un air militant. Souviens-toi longtemps et souvent de Yara qui périt pour un chant. Tout fut donc fait comme il se doit dans les rares du passage à tabac. Comme la torture ne suffit pas à faire taire le poète Yara. D'abord il lui tranchait brayère les mains à coups de bottes et de crosses de fusil. Que peut hier contre demain savoir ce que Dieu en dit. Je chante aux gens de maintenant. Je chante un air militant. Souviens-toi longtemps et souvent de Yara qui périt pour un chant. Ensuite ils lui tranchèrent les doigts et le prièrent pour faire de l'esprit, de déclamer mutile et ainsi rira bien dernier qui rira. Le jour toujours succède à la nuit, si le poète est mort au combat, son chant survit et vivra, exhortant le peuple d'être uni. Je chante aux gens de maintenant, je chante un air militant. Souviens-toi longtemps et souvent de Yara qui périt pour un chant. Les militaires alors fusillèrent le martyr. et tous les prisonniers qui reprirent la canta. Les bourreaux pathétiques ne pouvant que rire, celui qui par bravoure à mort les humilia. Un jour viendra l'avenir, puisque mémoire nous instruira. Ce jour notre deuil va finir. De la légende de Victoria Ra. Je chante aux gens de maintenant. Je chante un air militant. Souviens-toi longtemps et souvent de Yara qui périt pour un chant. Je chante aux gens de maintenant. Je chante un air militant. Souviens-toi longtemps et souvent de Yara qui périt pour un chant. Lorsqu'ils s'en sont pris aux immigrés, je n'ai rien dit, je n'étais pas immigré. Lorsqu'ils s'en sont pris à l'avortement, je n'ai rien dit, je n'étais pas une femme. Lorsqu'ils s'en sont pris aux... Je n'ai rien dit, je n'étais pas homosexuel. Lorsqu'ils s'en sont pris à la gauche, je n'ai rien dit, je ne faisais pas de politique. Pas de politique. Pas de politique. Lorsqu'ils sont venus me chercher pour me défendre, Brecht. Nora, je ne sais pas comment c'est. Ah oui, merci. Non, merci. Nora, elle est au top. Bon, c'est un jour un peu spécial. Merci à tous d'être là. Nous, on fait pas de politique, hein, même si, en fait, on est tous un peu... Donc, maintenant, je vais vous demander d'accueillir Lord Erase, grand chanteur. J'espère que tu vas faire une chanson. Grand poète aussi. À toi. Si nos parents avaient pu nous prédire ce qui arriverait, si nos parents, au lieu de nous mentir, nous auraient préparés, si nos parents, au lieu de lire dans les yeux des fous alliés, de partir avant de nous protéger, si nos parents avaient su comment le vent tournerait, ils nous auraient sûrement pas demandé de lire des livres de Jean Massé, l'école populaire, l'école de Jules Ferry. Si nos parents avaient pu sentir ce qu'ils nous préparaient, la seconde classe jamais réellement intégrée, si nos grands-parents avaient su que les descendants de ce pays qu'ils ont aidé à se libérer quelques années auparavant, après se retourneraient contre nous. Si mes parents su que ce monde qu'il a aidé à reconstruire ne leur laisserait qu'une bire. Si j'avais su que mes amis passeraient leur temps à me salir, j'aurais pu dire non à tout ça. Comme on fait un mauvais calcul, on rature, on barre l'erreur, puis on recommence l'équation afin de trouver la bonne solution. Est-ce que c'est si compliqué que ça ? Que ça. Mais on s'entête, notre tête tourne comme des girouettes. Et c'est pas vers qui se tourner sans se faire déplumer comme des alouettes. Alors on change son fusil d'épaule. Les amis d'hier sont les ennemis d'aujourd'hui. Les ennemis d'hier sont les amis d'aujourd'hui. Cela provoque une drôle de situation dans ce pays. Si nos parents avaient pu nous prédire ce qui nous tramait dans les coulisses du pouvoir, si nos parents, au lieu de nous mentir, nous auraient préparé. Si nos parents avaient pu lire dans les yeux de... Ils auraient sûrement dit de continuer à lutter. Continuer à lutter. Merci. Merci Paloma. D'après moi, cette lutte qui arrive est individuelle. Et c'est pas le moment d'être des gros connards, c'est ce que je pense. Maintenant, par ordre d'arrivée, on va accueillir qui en impose encore. J'appelle sur cette scène Karine Jaffari, s'il vous plaît. Salut. Brillant brillantes au soleil les banderilles des toreros. Les bandes sont brandies et les rires bancals comme ceux des banquiers, clamant la banqueroute et susurrant banco. Telle une couronne, la tête bandée, les bandits toujours en bande se croient bancables. Les bangs en bandoulière attendant le curieux baptême pour des brebis, égarés par la baratrie d'un belâtre barbare, baragouinant le plus souvent dans sa barbe. Aux barbelés, je préfère les bardes, sans barguignerie baroque, baroudeurs sans barrière, barreurs ou barons, simples barriques. Mais... à tâtons, je tâtonne, je t'étonne, me tatoue des tatous dans un taudis underground et ondulé la tôle. Croule sous les lames tautochrones, les tam-tams tauromachiques, les bières tièdes, les tolards tâteurs, nouveaux taxidermistes en technicolor tisse, avec technicité, l'étoile technobureaucratique d'un taylorisme de taille, à tenter des téléphrodisiaques, surtout ne bouge pas ces télédynamiques. Télesthésiste, j'aime bien le télémarque, j'ai du mal avec les taureaux et je chasse le tigre. Les témoins se sont tus, le climat est tempéré, mais la sueur temporale trahit la tempérée, les natures tempétueuses remplissant nos temples. Il est temps de temporiser, d'affronter la tempête, pètera peut-être, blessure térébrante d'où nom de tequila, c'est faux, blessure térébrante d'où nom de Frida. Dystomie de la pensée, aphasie culturelle, le disque est rayé mais les doudingues dansent. Je dynamite d'un verbe dru les malandrins, les malotrus, béni soit qui cherche un sens. Dynamique entrepreneur, émissaire de la peur, découvre indubitablement pas dupe de la duplicité, politique de supermarché. Dubitatif je reste devant les clowneries que tu testes, durement je récuse tes manquements et tes ruses, dueliste ferrailleur, duétiste à mes heures, drapé de ton drapérascement à gauche, à droite. Le divin est divisé, la population déprimée, comme si elle devinait au beau milieu d'une danse que le diable s'est diversifié, qu'il veut régir la France. Discrètement il distribue des dividendes d'eau du dissolu, d'un don saugrenu qui dissémine les dissensions, se dispute, se disloque. Je dispose d'une raison, donc je dissipe, je disserte. Je dis prose. Alors, après tant de virilité, messieurs, j'ai envie d'appeler sur cette scène une femme qui a beaucoup de choses à vous dire en ces temps où les femmes sont censées être une opposition. Et j'ai presque l'impression qu'elles deviennent le jouet de certaines forces. Alors on va mettre les pendules à l'heure avec une grande dame. J'ai nommé Diana H, s'il vous plaît. Bonsoir. Donc Diana H, princesse de l'éphémère, et Mathieu, qui va jouer du... Ok. Everyone should be a feminist. Everyone should be a feminist. I am a feminist already. J'ai bu et mangé du féminisme sur la table ronde et grande du continent indien. J'ai consommé mon féminisme en déambulant seul de jour comme de nuit dans les rues de Delhi. Dans les rues de Delhi, New Delhi, un Delhi à mettre aux enchères, à Delhi Delo. Preuve à charge, vous êtes une femme. Vous voyagez seule, vous cumulez, madame. Vous cumulez, madame. Femme, noire, dreadlocks, seule, autonome et fière. Autonome. C'est un crime. C'est une honte. Vous ne pouvez être qu'une pute. Vous ne pouvez être qu'une pute. Une pute. Everyone should be a feminist. Féministe. Alors que je ne sais même pas ce que veut dire ce mot. Je ne sais pas. Que veut dire ce mot ? Veut-il dire sauver sa peau ? Sa peau de négresse ? Sa peau de maîtresse-femme ? Que veut dire ce mot ? Que veut dire ce mot ? Peut-être qu'il ne veut rien dire du tout. Peut-être qu'il ne veut rien, rien du tout. Vu d'en dessous, plongeons sur le vagin. Un trou béant, à l'évidence. Un abîme divin. Une peur au masculin. Un con. Un con au féminin. Everyone should be a feminist. I am a feminist. I am a feminine femme. Je suis une femme émancipée. Enfercipée. En bois cipé. En laiton cipé. Je suis un aimant et j'aspire. J'aspire. Me colle aux vertèbres du vice. De la décadence, de la décadence, de la liberté infinie, de la, de les, des, je me maquille à l'autonomie, je me fringue à l'on verra bien, je me chausse au, vas-y voir si j'y suis, les cheveux flairants. Quand y allais, j'en revenais. Quand y allais, j'en revenais, je m'électrise de voyage immobile. Je m'électrise de voyage immobile, les valises pleines de crédits de sourire. Les valises pleines de crédits de sourire et je me branle au beautiful karma. Je me branle au beautiful karma. Everyone should be a feminist. I am a feminist à Paris. I am a feminist à Rishikesh, Manali et Dharamshala. I am a feminist en voyage cosmique, en errance cosmique, pite invisible de la vie. Merci. Merci Mathieu. Et ben de rien, j'arrive pas. Ouais. Et t'aurais dû aller à Strasbourg, Diana. Bien. Alors maintenant, on va appeler un compatriote. De notre ami Jafari qui était là tout à l'heure sur scène. Un homme longiligne que je vois et j'espère que tu as de la fausse fourrure sur toi. On appelle l'insaisissable. ويا عمرية ويا عمرية يا عمرية ويا رومية يا عمرية ويا عمرية يا رومية بلدية Oh, les cris pour oublier nos peines. Pour extérioriser nos haines dans ces vides chiens. Le monde est une arène, entourée de lions, tête de fion. Est-ce qu'ils cherchent à nous faire béton? Mais on se laissera pas faire par ces cons. Aujourd'hui, si je suis ici, c'est pas pour rien, mais parler aux miens, en toute sincérité. Et dans cette masse vivante, plus de sécurité, on te met à l'amende, à maturité, moi je leur dis, allez tous vous faire aimer. Pour eux, on est trop curieux. Pour eux, on est trop audacieux. Pour eux, on est des gens envieux. Et pour eux, on n'est rien à leurs yeux. Ouais, eux, ceux qui font partie, tous ces partis, droite, gauche, extrême, oui, ça faut pas dire chut. Liberté d'expression, ça n'existait plus. La seule loi, c'est de se taire et subir leurs commentaires. Discours crochus, toujours les mêmes discours de faux cul. On nous cache tout, on nous dit rien et tout va toujours bien. Alors des questions, on suppose avoir la réponse, mais rien. On dispose d'un tas de dispositifs. Hé, mais qu'est-ce qu'il y a de positif? Chacun de nous a un objectif, la réalité est faussée, les souvenirs effacés, et beaucoup de faussaires, et je parle à vous, sous vos faussaires, et je parle à ces gouvernants, et à ces gouvernements, car, gare, trop tu nous mens. Regarde ces mômes envenimés, des minots qui perdent la boule à leur 12e ou 17e année. Regarde ce que tu as fait de la nouvelle jeunesse, parents, hein. Et bah parlons-en, des pères qui se tuent à la tâche, et des mères qui essaient de s'en sortir à l'arrache. Après ça, en France, on fait tâche, des mots que tu nous caches et qui blessent, dans vos discours qui fâchent, et on encaisse. Alors on s'éclate et on est blasé, des émeutes écrasées, on ne sait plus sur quoi se baser. Revêtir le blason, c'est avertir ceux qui veulent nous briser. La peine dans nos écrits, j'espère que t'as pigé. On ne peut pas tourner la page comme si de rien n'était, tiré au gomme-gomme comme triste réalité. On fait abstraction à leurs provocations, et même s'il y en a qui tombent dans leur jeu à la con, 3, 4 de QI, et ça se prend pour les personnes qui ont tout conquis, ces cons qui ont crari tout compris, ils osent dire qu'on est des mal compris, alors que c'est le mal d'Acaillé qui roule sur le semelle le matin très tôt broyé. Trêve de plaisanterie avec vos traités sur vos tréteaux, ça y est, des tracts et des prises de contact, du tact et vous nous la mettez intact, ils tâtent le terrain, ils nous envoient des skips compacts, et quand ça pète, hein. Certains réagissent comme des bêtes. Tu sais maintenant, t'as vu comme c'est bête. Ya Omarie, ou ya Omarie, ya Omarie, ou ya Romie, ya Omarie, ou ya Omarie, ya Romie. Belle. Merci. Avant d'appeler le prochain slammer, je me demande si Nicolas Magatte est quelque part. Bon, je vais aller le chercher. Va, j'arrive, je te rejoins. Alors, on va appeler maintenant, pour vous faire continuer ce voyage dans le slam, vous voyez comme c'est pluridisciplinaire. Je vais appeler quelqu'un qui slam et qui va vous faire découvrir aussi son univers. Il s'appelle Nen Terrien et ça vous dit très bien de où il vient. Bonsoir. D'accord. C'est Mathieu, hein. Elle est partie pour la nuit debout. Hein? Partie pour la nuit debout. C'est un mouvement social, culturel, démocratique. Pas politique. J'allais vous demander un mot et puis le monsieur il est venu me parler de la nuit debout. C'est un mouvement culturel, ok, d'accord. Tu m'as dit c'est un mouvement culturel, social et... Donc, bonjour à tous les membres. Je m'appelle André Philippe, je suis de l'équipe de la Nuit Debout. Ça fait longtemps qu'on est là. L'équipe de la Nuit Debout a changé beaucoup de fois. Chacun il y a des mentalités, réflexions différentes. Donc c'est pour ça que je déclare maintenant que la Nuit Debout, c'est un mouvement socioculturel démocratique. C'est pas un mouvement politique. C'est chacun et vous mis en exposition, en thématique de quelque chose que vous parlez, bien sûr, bienvenue. Merci. Est-ce que quelqu'un peut me donner un mot, s'il vous plaît? Ruche. Ok, par là, j'avais une pomme. D'accord. Alors, ruche. Je t'en prie. On a Mathieu aux percussions. On peut lui faire un petit truc chaleureux. Façon nuit debout, quoi. On va être en parisienne alors. C'est ça? Sinon, si on fait pas la parisienne, ça donne quoi quand on fait un truc chaleureux pour Mathieu? Ah, c'est mieux, comme quoi on peut se déparisianiser assez rapidement. Chaque fois que je me juche et que sans jugement je regarde la ruche riche d'hommes et de femmes qui s'aguichent, qui rêvent peut-être de devenir plus riches ou moins esselés, moins isolés, de se sentir moins sur une île. Merci, c'est mon moment. Si tu veux faire le garnement, tu peux attendre et prendre aussi ton moment pour venir sortir tes arguments. Pour l'instant, c'est les miens. Excuse-moi, c'est pas rien. Je ne suis qu'un humain, terrien, habitant de la terre. Et ce qui m'atterre, c'est que la haine trouvera toujours en nous cette même matière. Histoire de nous faire déterrer la hache de guerre, cracher par terre encore plus de glaire. Déterrer l'instinct grégaire, juste histoire qu'il y a matière à montrer que je suis l'homme qui peut atterrer, altérer en moi mon altérité, ma singularité. Sortir, déballer ma vérité comme si c'était la seule vérité. En vérité, chaque que je me juche, sans jugement, je regarde la ruche, riche d'hommes, de femmes, de pensées belles et de pensées infâmes, que l'on peut mettre dans les urnes ou se mettre sans gratter les burnes, rêver d'abstention suffisamment grande pour enfin attirer l'attention. En attendant, je vois planer ces tensions qui méritent notre attention. Ouais, je te vois lever les sourcils, comme quoi ça nous fait tous vibrer par. On cherche tous à s'équilibrer, mais en attendant, on a à choisir entre le poison et la ciguë, le grain ou l'ivraie, pour ne pas voir se livrer nos âmes, enfin délivrées. Chaque fois que je me juche sur la place de la République, que je livre ma parole publique, pas comme une parole biblique, juste comme mon avis c'est comme mon trou du cul, je suis comme chaque humain, ben j'en ai un, et je vous le livre ici-bas, histoire de mettre bas de mes idées, de mon non-combat. Chaque fois que je me juche, et que sans jugement, je regarde la ruche, riche d'hommes, de femmes, je vois des femmes, des hommes, et si chacun pour sa pomme, chacun pour son petit quartier de poire, chacun rêvant de foutre la foire, mais en gardant son bout de trottoir, chacun racontant ses histoires, chacun déballant ses espoirs, ses désespoirs, son aigreur profonde, envie de fronde. Chaque fois qu'ils me racontent leur « il était une fois », qu'ils ont l'air de bonne foi, me racontant leurs mensonges, ayant le nez qui pousse comme Pinocchio, rêvant juste de me mettre une putain de pin au cul. Chaque fois que je les vois dans leurs âmes qui aimeraient me donner ce bulletin dans l'urne comme un petit hocher, et me voir hocher la tête comme un gentil béni, oui, comme un gentil béni, oui, ils me béniront peut-être même, oui, tant que je mets le butin dans l'urne et que j'écarte grand mon âme être tout entier. Chaque fois que je me juche et que sans jugement je regarde la ruche riche d'hommes, de femmes, j'ai toujours cet espoir s'extérioriser. Cette unité irisée dont j'ai rêvé et dont je rêve encore, que je vois s'éloigner, mais dont je rêve encore, que je les vois, mais dont je rêve encore, sur lesquels je les vois cracher, mais dont je rêve encore, et dont je rêve encore, plus fort, plus fort, plus fort. Merci à vous. Restez debout et à des fois, restez vivants. Nenterian que vous pouvez retrouver un peu partout sur Terre. Alors, est-ce que Ève est dans le coin? On va accueillir... un des membres du collectif Harmonie qui se produit un peu partout à Paris et l'éminente membre féministe du groupe, Ève Ibeka, messieurs, dames. Bonjour à tous. Et merci d'être là. Merci à Paloma. Je donne un sou, le seul qui reste. Le prix est doux, je m'en déleste. J'exige le goût du raccourci, jambe à mon cou vers l'infini, victoire céleste. Marchant dans l'or contre un peu de cendre, marchant encore et sans attendre, j'ai accepté plongée profond. Ne remontez qu'une fois ton nom, collé au mien, chère liberté, rime enfin avec droit chemin. Je ne briole, je ne donne plus modeste au bol et d'un geste que rien n'affole, j'arrache céleste mon auréole. Entrez sagement dans la prudence, c'est de ma toute simple évidence que je ne demande aucune permission pour arracher ma sortie vers la rédemption. Rien ne t'achète de toute façon, vivre en cachette, refuser la prison, tout est bon, pourvu que ma quête parvienne à sa destination. Je me fous de donner définition, les fous ne s'en battent, aucune pression honnête n'est plus, payer sans cesse le prix de ce qui m'est déjà dû, car je ne justifie rien moi, je ne justifie rien, je fais justice, et pour mon bien je n'attends même pas de complice, je ne donne aucune espèce d'explication. Je rends rien l'image d'une nouvelle floraison, d'une renaissance, d'une folle raison. À toi, mon petit enfant miracle, je m'adresse comme un oracle. Petit arbre d'amour, planté pour toujours, mon corps et toute ma vie en guérison. Travaille enfin à une seule action, dégager ce qui dans ma filiation gênerait ton apparition. Tu es l'ultime saut, mon grand saut dans l'infini. Mon petit être en gestation, tu me rappelles que j'ai choisi sans retour possible et c'est ainsi la tutelle de la joie, éternelle mission de vivre sous sa condition. Nettoierons un chemin ouvert grand pour toi. Petite étoile du divin, je ne scènerai plus jamais en vain. Dans la débâcle de mes doutes, corps et âme ne font plus qu'un. T'attendrai doux jusqu'à ce jour où je vais me fendre d'amour. Dernière violence, et c'est le jour de ta naissance que le mariage des contraires prendra sans unique retour en arrière. Tu es arc-en-ciel né de la pluie, celle que la lumière a choisie. Je suis derrière, te soufflera ton premier cri. Merci. Merci à tous. Merci Paloma. Merci beaucoup. On va accueillir un dernier slameur parce que l'orchestre debout va commencer son... avec des artistes qui vont accompagner l'orchestre debout Et pour conclure la scène, je vais appeler quelqu'un que je connais pas. C'est Pierre. Et j'espère que tu rappes. Allô, allô. Ah. Ah. Excusez-moi, hein, je suis un peu gras. On va devoir voter Macron, excusez-moi. Allez, pas de slam. Une minute, un petit texte, vite fait. Désolé l'orchestre de Barbarie, c'est parti. Fait pour Marine Le Pen. Tu te verrais bien, Adam, manger ton maos et puis marcher la paix dans l'âme comme une squo et son tomahawk. Mais là, c'est la dernière escale, y a plus de statu quo. Plus le temps de penser aux séquelles, c'est soit tu cannes, soit tu causes. Je te ken comme un kamehameha, mais j'éjacule pas. J'arrive jamais, à ma coule pas. Vaut mieux tard que jamais, désormais je n'en doute pas. Quoi qu'il m'en coûte, je pars voir tout part et mener une vie de couche tard. Pour plus avoir à esquiver les touches car de flashball ou finir roué sous une pluie de coups de star alcoolo. Je reviens réanimer en speed mon âme désarticule et m'exprimer de façon fluide, exempter tout court. Car dans nos particuliers, formant nos corps agissants, l'hémorragie semble décrite par des mots ravissants. Et ainsi de suite, le temps effrite nos sentiments, leur faisant prendre la fuite en les rendant si vite sans piment. La vie nous confectionne des chaussures sur mesure en ciment. Sois certain que les chaussures murmurent et feront le tour en 6 mois. On se voit sans dents, le sourire au minois, et passe nourrissant dans l'arrière-cour d'un restaurant chinois. Pourtant, longtemps, j'ai comparé cette vie à une patinoire, où les écarts dans l'illusoire illustrent une impasse si noire. Un chemin qui, dès qu'il est traversé, défie l'équilibre et définit un accès où dévier tout est versé. Pour t'éviter de vider, pour percer l'abcès. Déchique tes nets, le flux de nos mots déjà t'ont versé. Dans un long coma amer, par ma transbercée. Ton âme alerte comme à l'arbalète, je m'apprête à transpercer. Merci. Merci à tous. Voilà, on va faire une pause pour le concert de l'orchestre, pour aller écouter les artistes à l'orchestre debout. Mais a priori, il y a une scène ouverte qui reprend ici à 8h. Si vous voulez venir vous c'est ici. Maintenant, je voudrais appeler tous les artistes qui sont passés à venir me rejoindre sur scène. Après, on continue la discussion. Là. Merci. Mettez-vous là. Voilà. Venez. Jean-Louis, viens. Viens. Ça, elle s'est barrée trop tôt. Coralie. Un grand merci, on est debout. Allô, il y a quelqu'un? Allô, je sais pas s'il y a des gens qui m'écoutent encore. Non. Bon, on le fera ça, je ferai mon annonce plus tard. Je voudrais juste